gorge, sur l'enclume des forges. Dans ma boîte de sapin, par qu'on ouvre un matin, on a vendu au diable, j'en suis pas capable. Sur la route en tournant, je fais du mauvais sang. J'ai pris cette allumeuse, mini jupe auto-stoppeuse. Cherchera, voyons l'empire et l'art.